Fresh Air Community Radio is KFAI 90.3 FM HD, Minneapolis, St. Paul. Online and archived at kfai.org. Radio without boundaries. The following KFAI program was recorded earlier for broadcast at this time. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis, Saint-Paul et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM in Minneapolis, Saint-Paul and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. Bonsoir tout le monde, bonsoir Freddy, bonsoir Adrien. Bonsoir Romain, comment ça va? Eh bien ça va bien, il fait beau, les oiseaux chantent, les petits oiseaux cassouillent, c'est parfait. Yeah, les petits oiseaux. Yeah, it feels very springy now, a little bit more than last week. The wind was a big story, yes. But at least we had some sun last week, so that was good. Yes. So, other than that, it seems like compared to March, April is going to be a quiet month, because I looked a little bit and there's Easter, of course, but it's not like it's leading to a lot of songs about eggs and les cloches, maybe. Mm-hmm. And bells. Les bells. Trois cloches, les compagnons de la chanson. C'est vrai. Mm-hmm. And les cloches is also it's also a word for homeless. So, I don't know. Maybe we should do something about homeless. All right. So we're gonna play some music. We're gonna soon send the list for the premium, and I've been saying that for 2-3 weeks for the premiums for people who gave us some money to Bonjour Minnesota and KFAI. I mean, it's all for KFAI. Bonjour Minnesota is contributing, but it's not segregated by show. It's whomever needs it. I mean, we don't get any money ever anyway. Mm-hmm. But yeah, it's to pay, you know, electrical bill and the heat, or the fan, that's going to come up too. Now we're going to need a little bit more fan. We are also thinking about having at least one show in the month where we would go to the studio. Yes. And that would be nice. Yeah. Maybe next week. Yeah, that works mm-hmm. for me. Yeah, we can do that. There is some shows that we want to do like live, or some topics, I should say. We really want to do live versus, you know, having it pre-recorded. Mm-hmm. And other than that, that's pretty quiet. We'll talk about the events if there are some. As I was mentioning at some point, I'm sure the events from other Alliance Française are going to go back to be in person versus, you know, virtual. Mm-hmm. It's what's happening actually with the French conversation groups in the Twin Cities. They still keep one feed Zoom open on the Saturday morning, but they also go to a park to meet in person. Yes, and which is now possible with the beautiful weather that's coming back. And tonight we're also going to pay tribute to actually three French celebrities who passed away this past week. One of the Charlots, that was a group from. I mean, they started in the 70s and they were actors, comic actors, but they also released songs that were also comic. So we're going to play a couple of those. Bertrand Tavernier, one of the greatest film directors in France, just passed away this past week. And we want to pay tribute to him as well. Mm-hmm. And also Patrick Juvet, French disco star from mm-hmm. the 70s. He also wrote songs for Claude François. He actually had a nice career in the US too. When you go to a record store, there's often a section for Patrick Juvet, not just, you know, in miscellaneous jays. No, there's a section for Patrick Juvet. Oh, it was big during disco, mm-hmm. the disco era. He was living in New York. I saw an interview where, I mean, mm-hmm. New York was his full-time residence, because when he started his career, he was a lot in Paris, especially that's where he met Claude François, but he was originally from Switzerland. Mm-hmm. So, I mean, he was born there, and we'll see also that he sang one song competing for Switzerland at the Eurovision. Mm-hmm. But yeah, he started as singing like kind of like some soft songs, like love song, a little bit like kind of on the middle side. And at some point, he wanted to change his image, and he went toward the disco like 100%, and he was super successful. And I think he was also one of the artists in the 70s to come out as being bisexual, like mm-hmm. on the early side. Like he did his coming out earlier than mm-hmm. a lot of other artists. So. Of course, especially at that time. Yeah, that's what we're going to do this week, and some other songs here and there, like of new artists, and some artists maybe you know a little bit less, and that sort of thing. And I had a new French influences a week and a half ago, like coming out the 76, and I'm getting ready to release the 77. And this time, the 77 is going to be focusing on one soundtrack of a TV show called Emily in Paris. Ooh. I like the show, but as I was watching the show, I could hear the music and mm-hmm. some of the band that I really liked, Junior or La Femme. So I decided to compile them. And yeah, the show 77 is going to be like more than an hour of music from that soundtrack. So a lot of different things, but pretty recent songs and pretty like uplifting, you know. Yes, kind of pop. Punchy. Yeah, yep. Exactly. Cool. And some in French, some in English too. So, well, that's nice. I'm looking forward to listening to it. All right. So what are you going to do for Easter? What's Easter? Oh, that Catholic Easter, thing and Pâques, stuff. Pour Pâques. Yay. Je vais cacher des trucs dans le jardin pour Chloé. Mm. Oh, good. So you're going to do an eggs hunt, a chocolate eggs hunt. It's going to be hot, so be careful not to. So, Adrien, what typically each year, like your family was doing for Easter? What are your traditions? And yeah, usually would do, I don't know, would eat. It's all about food, you know. So usually eat lamb. What is that about food? Yeah. Right. Yeah. So probably have some lamb for Sunday lunch, and with the kids have some. Egg hunting contest, who gets the most eggs, chocolate eggs. Nice. Hopefully hidden under the bushes so they don't melt before you get to them. And yeah, the bunny, a lot of chocolate bunnies too in France. And bells. Yeah, and bells. What did you used to do? Well, that like, you know, egg hunts in our garden. But what's interesting is, you know, here that's the Easter bunny. Yeah. In France, we say, or at least that's where I grew up, the eggs were dropped by the bells coming from Rome. Mm-hmm. Yeah. But I've never seen them in the sky. So, yeah. Well, being in an apartment, the egg hunt for us was somewhat limited. Mm-hmm. Yeah. I remember a couple of years when we did it, like we were on vacation and, you know, we went south, like, to take a rental, and we did it at the time, the egg hunt. But like, yeah, in Paris, that was pretty limited. So some chocolate around the apartment, and then visiting the grandparents and having, you know, nice. Sunday dinner. Nice. And, yeah. And then there was more chocolate, more like chocolate bunnies and things like that. Yeah. But yeah, that wasn't. Everybody gets sick the next day. Of course. On Easter Monday. Easter Monday is a day off in France. It something is. That I kind of miss. But well, no, I think in Paris it could be fun. You could do some real good times, like egg hunting parties. All right. All right. Well, yeah. On écoute un petit peu de musique. On y va. Ça va nous faire du bien. Allez, c'est parti, mon kiki. Allez, on y va, Pogba. So now we're going to start with a series of three songs from Les Charlots. Les Charlots in French means like kind of clowns or idiots. They were often doing that kind of things, and they did a lot of parodies, and a lot of the movie they played in were parodies, funny things. And it's for a tribute for Gérard Filippelli, who just passed away recently. But otherwise, like in the late 60s, they have done the opening of some very famous artists or band like Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, even the Rolling Stones. So that was a good time for them. So the first song we're going to listen to will be L'Apérobic. So it's a combo in between aerobic and apéro for aperitif, like the happy hour. He said, like, instead of doing the fitness and the aerobic, he's doing l'apéro, big and like the happy hour, and he's practicing with that. Then we're going to listen to Paulette, la reine des paupiettes. And I'm not sure to translate paupiettes, but it's a dish. And Paulette is the queen of the paupiettes, and she knows how to make them very well. And then we're going to finish this series with Merci Patron, thank you boss, which is pretty sarcastic about working for someone else. Dimanche, un coup de paresse, la Marie Blanche loupe la messe. C'est rien qu'elle me dit, je vais pas pêcher, je m'en vais la suivre à la télé. Elle loupe le poste et tombe à pique sur Davina et Véronique. Et aussitôt, c'est de la démence, elle prend le tempo et rentre en transe. Ça fait maintenant un mois qu'elle mue, au champ à table et dans la rue. Alors moi, pour lui faire la nique, je me suis trouvé une petite technique. Je retire le bouchon et je mets un petit glaçon et toi, je verse la boisson et quand je me rase le timon, c'est l'apérobic. À elle d'agir ma moelle tonique, c'est l'apérobic. À elle d'agir ma moelle tonique, quand il faut se mettre, c'est plutôt bien. En une journée, elle plante tout le grain, mais c'est pour les vaches et pour bêtes, pour voir leur tête, alors la traite. La Marie tient une telle cadence qu'elle prend plus de l'eau mais du barran. Pour s'entraîner, tout lui est bon. Et cette année pour les moissons, pas la peine d'embaucher des hommes. Je m'en vais acheter un métronome. Et pour la soutenir moralement, je m'entraîne déjà intensément. Et je retire le bouchon. Et je mets un petit glaçon. Et moi, je verse la boisson. Et quand je me rince le siphon, c'est l'apérobic. À elle, moi le tonique. C'est l'apérobic. À elle, elle dit, mets moi le tonique. Comme une pendule, et one, two, three, four. C'est pas une femme, c'est un ressort. Pour nourrir les poules, les cochons. Un, deux, trois, quatre, le compte est bon. Mais c'est au lit, ça me gêne un peu. Puis j'ai des chenilles et du bras nerveux. C'est vrai, j'ai rien contre le sport, mais elle compte pendant nos transports. C'est radical, ça me coupe la chic. Alors je retourne à ma technique. Je retire le bouchon, et je mets un petit glaçon, et toi. Je verse la boisson et quand je me rase le timon, c'est l'apérobic. À elle d'agir ma moelle tonique. C'est l'apérobic. À elle d'agir ma moelle tonique. C'est l'apérobic. À elle d'agir ma moelle tonique. On a parlé d'amour et de violette, mais jamais d'amour et de paupiette. Pourtant je connais à Barcelone un hidalgo qui chante à sa bonne. Tous les jours à l'heure du dîner, ce chant d'amour vient gratiné. Qui est Paulette, Paulette, tu me tiens grâce à tes paupiettes. Notre amour ne serait pas si beau si je n'aimais pas les paupiettes, les paupiettes de haut. Paulette, Paulette, tu es la reine des paupiettes. On a chanté les mirinettes, on n'a pas chanté les paupiettes. Pourtant je connais Place Wagram, un hidalgo qui chante à sa femme. Le soir en rentrant de l'usine, ce chant d'amour dans sa cuisine. Que? Paulette, Paulette, tu me tiens grâce à tes paupières. Notre amour ne serait pas si beau si je n'aimais pas les paupières. Oui. Les paupières de haut. Paulette, Paulette, tu es la reine des paupières. Notre amour ne serait pas si beau si je n'aimais pas les paupières. Les paupières de vos. Paulette, Paulette, tu es la reine des paupières. Olé! On arrive à l'usine, la gaieté nous illumine. L'idée de faire nos 8 heures nous remplit tout le bonheur. Ah, ah, ah, ah oui. D'humeur égale et joyeuse, nous courons vers la pointeuse. Le temps d'enfiler nos bleus et nous voilà tous heureux. La, la, la, la, yeah. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Quel plaisir de travailler pour. On est heureux comme des fous. Merci patron, merci patron, merci patron. Ce que vous faites ici-bas, un jour Dieu vous le rendra. Quand on pense à tout l'argent qu'au fin de mois on vous prend, nous avons tous un peu honte d'être aussi près de nos comptes. Ah, ah, ah, ah oui. Tout le monde à la maison vous adore avec passion. Vous êtes notre bon ange et nous chantons vos louanges. Like la, like la, yeah. Merci patron, merci patron, merci patron, merci patron. Quel plaisir de travailler pour. On est heureux comme des fous. Merci patron, merci patron, merci patron. Ce que vous faites ici-bas, un jour Dieu vous le rendra. Mais en attendant ce jour, pour vous prouver notre amour, nous voulons tous vous offrir un peu de notre plaisir. Ah oui. Nous allons changer de rôle, vous irez limer la tôle, et nous nous occuperons de vos ennuis de patron. Like la, like la, yeah. Nous serons patrons, nous serons patrons, nous serons patrons, nous serons patrons. Vous le plaisir de travailler pour nous. Vous serez heureux comme un fou. Nous serons patrons. Nous serons patrons. Nous serons patrons. Nous serons patrons. Ce que vous avez fait pour nous, nous le referons pour vous. Mais il est plus petit que le jardin de ma tante. Oh, bah si. Et mon, mon patron, il change de costume 2 fois par jour. It was Les Charlots with L'Apérobique, then Paulette, la reine des paupiettes, and then Merci Patron. Programming on KFAI is supported by the French-American Heritage Foundation of Minnesota, whose mission is to promote and cultivate the heritage of French language cultures. Learn about the many French-American Heritage Foundation events and celebrations at fahfminn.org or on Facebook. Merci beaucoup. If you or a loved one has been ticketed, arrested, or held in jail in Ramsey County, you may have a court date and not know it. To learn more and check your court date, visit ramseycounty.us/court. Now we're going to listen to Patrick Juvet, who was originally from Switzerland, from Montreux, and had a great career as a model and then as a composer and a singer, and then he exploded during the disco era. So the first song we're going to listen to is one of his most famous from the disco era. It's Où sont les femmes? Where are the women? Then we're going to listen to La Musica, which is one of his first success, and then the song that he presented at Eurovision in 1973, Je vais me marier, Marie. Mary, I'm going to get married. Thank you. pluie sur les toits, c'est la musica, le son de ta voix, c'est la musica. Un simple bruit, un vol d'hirondelle qui fait la vie belle, qui nous fait rêver. La musica, c'est aussi le soleil d'un nouveau jour, et c'est ta voix qui chante à mon oreille. Je m'éveille, des mots, des merveilles sur un lit d'amour. Un signe de toi, c'est la musica. Tu reviens vers moi, c'est la musica. C'est l'orage en été. La musica, c'est un simple bruit, un vol d'hirondelle qui fait la vie belle, qui nous fait rêver. La musica, c'est aussi le soleil d'un nouveau jour, c'est ta voix qui chante à mon oreille. Dès que je m'éveille, des mots, des merveilles sur un lit d'amour. La musica, la la la la la la la la la la la musica, la la la. Dans le champagne et le whisky, allez youpi. On va rire et chanter pendant toute la nuit, et puis demain matin je me rendrai à la mairie. Allez youpi, allez youpi. Je vais me marier Marie, et vous quitter Sophie, Marianne et Virginie. On ne pleure pas Marie, pas plus que toi Véronica et Rebecca. Je renonce à vos caresses, à votre amour, à ma douce vie. Je vais me marier Roger, et vous quitter toi Frédéric, et toi Didier. Ne te moque pas Lucas, pas plus que toi Napoléon, ni toi Colas. Je renonce à nos prouesses, à nos nuits de folie, et à notre jeunesse, qui finit aujourd'hui. Puisque je me marie. Demain il sera bien temps de penser à la vie, de faire des enfants, de placer mes économies. Allez youpi. Demain je serai bouclé, vous ne me verrez plus. Buvons à ma santé et à la liberté perdue. Vive la mariée, vive la mariée. Je vais me marier Marie, et vous quitter Sophie, Marianne et Virginie. On ne pleure pas Marie, pas plus que toi Véronica et Rebecca. Je renonce à vos caresses, à votre amour, à ma douce vie. Je vais me marier Roger, et vous quitter toi Frédéric et toi Didier. Ne te moque pas Lucas, pas plus que toi Napoléon ni toi Colas. Il faut qu'on s'en souvienne jusqu'au bout de la vie, et que quoi qu'il advienne, nous restions des amis. même si je me marie. It was Patrick Juvet with Où sont les femmes, then La Musica, and Je vais me marier, Marie. Hello, bonjour. This is Freddy, Le Tite Idéal. Welcome to French and Francis radio show Therapy on KFAI.org. I am originally from Paris and now living in Minnesota. I wanted to play songs and bands that were influential in France. The styles will vary, going from electronica to rock. Feel free to send me feedback, frenchandfrancis@gmail.com. Now we're going to listen to a song of season, and it's called Les Trois Cloches. It's for Easter, and it's from Edith Piaf, but there's also Les Compagnons de la Chanson, which was a band who was singing often a cappella. Then we're going to listen to Antoine Daly, and you may have not heard of him, because he's a new talent from The Voice in France, and he's doing a cover of the song from Florent Pagny called Savoir Aimer from his apartment. He's dedicating this song to all the healthcare personnel, you know, who are in first line during the COVID. Then we're going to listen to Alain Souchon with Poulailler Song. And he's talking about basically all some of the people are following without necessarily thinking from themselves. And whomever yells the loudest is the one who some of them follows blindly. So it's a pretty critical song. Village au fond de la vallée, comme égaré, presque ignoré. Voici quand la nuit étoilée. Qui s'étonne, c'est pour Jean-François Nico, c'est pour accueillir une âme, une fleur qui s'ouvre au jour, à peine une flamme, notre faible qui réclame protection dans nos amours. Village au fond de la vallée. L'élève qui proclame la grandeur de votre amour. Car toute chair. obsédante et mon amante. Elle redit au vivant, ne tremblez pas, cœur fidèle, Dieu vous fera signe à l'ombre. Vous trouverez sous son aile, avec la vie éternelle, l'éternité de l'amour. Bonjour à tous, c'est Antoine Dely. Alors j'espère que vous allez bien. Alors je pense vraiment à tous les membres du personnel hospitalier de France et du monde entier, et je voudrais vous chanter une chanson. Cette chanson, c'est « Savoir aimer » de Florent Pagny. Ce que les médecins, les infirmiers, les soignants font chaque jour, ils se donnent sans attendre en retour et ils prennent des risques pour nous. Et pour ça, j'avais vraiment envie de leur rendre cette petite hommage avec cette chanson aujourd'hui. Savoir sourire à une inconnue qui passe, n'en garder aucune trace, sinon celle du plaisir. Savoir aimer sans rien attendre en retour, ni égard ni grand amour, pas même l'espoir d'être aimé, mais savoir donner. Donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller. Savoir attendre, goûter à ce plein qu'on vous donne comme par erreur, quand on ne l'attendait plus, se voir y croire, pour tromper la peur du vide, ancré comme autant de rides qui ternissent les miroirs. Savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller. Savoir souffrir en silence sans murmure, ni défense, ni armure. Souffrir à vouloir mourir et se relever comme on renaît de ses cendres, avec tant d'amour à revendre qu'on tire un trait sur le passé. Apprendre à aimer, à rêver pour deux, rien qu'en fermant les yeux, et savoir donner. Donner sans rature, ni demi-mesure, apprendre à rester. Vouloir jusqu'au bout, rester malgré tout, apprendre à aimer et s'en sourire, rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller. Et s'en aller. Voilà, j'avais envie de rendre hommage à toutes ces personnes qui chaque jour se donnent pour nous, sans compter, qui se donnent et qui prennent des risques pour nous. Et donc voilà. Alors nous, à notre échelle, ce qu'on peut faire, c'est rester chez nous avant tout, et aussi faire un don, parce qu'ils en ont vraiment, vraiment besoin. Je vous invite à faire un don. Je nous invite tous à faire un don à la Fondation Hôpitaux de Paris et Hôpitaux de France. Alors, soit en vous rendant donc sur le site www.fondationhôpitaux.fr, ou alors tout simplement par SMS en envoyant le mot « don ». D-O-N au 92-111 pour donner 5 euros. Je trouve que c'est vraiment très important. Ils en ont besoin. Il manque de matériel, que ça soit de matériel de protection ou d'assistance respiratoire, etc. Vraiment, ils ont besoin de nous encore plus en ce moment. Alors, je vous invite à faire un don. Alors, je voudrais remercier tout le personnel soignant qui fait un travail énorme pour nous. Je voudrais vous dire merci. Et la moindre des choses qu'on puisse faire pour vous, finalement, c'est vous applaudir. Alors, merci. Merci. Qui disent on peut pas être gentil tout le temps, on peut pas aimer tous les gens. Y a une sélection, c'est normal, on lit pas tous le même journal. Mais comprenez-moi, c'est une migraine, tous ces campeurs sous mes persiennes. Mais comprenez-moi, c'est dur à voir quels sont ces gens sur mon plongeoir. Joue les belles basses-cours à bijoux. On entend la conversation de la volaille qui fait l'opinion. Ils disent on peut pas aimer tout Paris, n'est-ce pas? Y a des endroits la nuit où les peaux qui vous font la peau sont plus bronzées que nos petits poulbeaux. Mais comprenez-moi, la j'ai là-bas, c'est pas ce qu'il faut sous nos climats. Mais comprenez-moi, à Rochechouart, y a des taxis qui ont peur du noir. Dans les poulaillers d'acajou, les belles basses-cours à bijoux, on entend la conversation de la volaille qui fait l'opinion. Que font ces jeunes assis par terre, habillés comme des traîne misère? On dirait qu'ils n'aiment pas le travail, ça nous prépare une belle pagaille. Mais comprenez-moi, c'est inquiétant, nous vivons des temps décadents. Mais comprenez-moi, le respect se perd dans les usines de mon grand-père. C'est pas ce qu'il faut sous nos climats. Mais comprenez-moi, à Rochechouart, y'a pas de taxi qu'on perd du noir. Mais comprenez-moi, c'est une migraine, tous ces campeurs sous mes persiennes. Ne croyez pas que je sois borné, le genre rétrograde avancé, mais je compte parmi les gens que j'aime bien un jeune avocat africain. N'est-ce pas, cher ami? Thank you. was Edith Piaf and Les Compagnons de la Chanson with Les Trois Cloches, The Three Bells. Then Antoine Daly with Savoir Aimer, Knowing How to Love. And Alain Souchon with Poulailler Song. Programming is supported by Global Minnesota, a nonprofit, nonpartisan organization presenting a virtual symposium focusing on health equity on World Health Day, all day on April 7th. More information at www.globalminnesota.org. Now we're going to listen to a band that was famous in the late 90s with a song and an album called La Tribu de Dana. But this version is a live version and it's featuring Les 500 Choristes, the 500 Choristes. So it's a very nice live version. Then, talking still about live, we're going to listen to quite a few live tonight. We're going to listen to Junior with a song called Panique. It's not a new song, but it's a live version too. And then we're going to listen to a collaboration of Superbus and Daniel Darc with Daniel Darc's famous song called Cherchez le Garçon, very famous in the 80s during the New Wave. And it's also a live version. Sur les plaines de la Bretagne armoricaine, je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine. Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher. Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée, la route de nos ancêtres, de géants guerriers celtes. Après de grandes batailles, se sont imposés en maîtres. C'est l'heure maintenant de défendre notre terre contre une armée de cimériens prête à croiser le fer. Tous quatre tribus s'est réunis autour de grands menhirs pour invoquer les dieux afin qu'elles puissent nous bénir. Après cette prière, avec mes frères sans faire état de zèle, les chefs nous ont donné à tous des gorges et des dromelles. Pour le courage, pour pas qu'il y ait de paille, pour rester grand et fier quand nous serons dans la bataille. Car c'est la première fois pour moi que je pars au combat, et j'espère être digne de la tribu de Dana. Quelques incantations de druides et de magie, tout attribue le glaive en main courait vers l'ennemi. La lutte était terrible, je ne voyais que des ombres, tranchant l'ennemi qui revenait toujours en surnombre. Mes frères tombaient l'un après l'autre devant mon regard, sur le poids des âmes que possédaient tous ces barbares. Des lances, des haches et des épées dans le jardin d'Éden, qui écoulait du sang sur l'herbe verte de la plaine. Comme ces jours de peine où l'homme se traîne à la limite du règne, du mal et de la haine. Fallait-il continuer ce combat déjà perdu? Mais telle était la fierté de toute la tribu. La lutte a continué comme ça jusqu'au soleil couchant, de férocité extrême en plus d'acharnement. Fallait défendre la terre de nos ancêtres enverrés là, et pour toutes les lois de la tribu de Dana. Au bout de la vallée, on entendait le son d'une corne, d'un chef ennemi qui rappelait toute sa horde. Avait-il compris qu'on lutterait même en enfer, et car la tribu de Dana appartenait à ces terres. Les guerriers repartaient et je ne comprenais pas tout le chemin qu'ils avaient fait pour en arriver là. Quand mon regard se posa tout autour de moi, j'étais le seul debout de la tribu, voilà pourquoi. Mes doigts se sont écartés tout en lâchant mes armes, et le long de mes joues se sont mis à couler des larmes. Je n'ai jamais compris pourquoi les dieux m'ont épargné de ce jour noir de notre histoire que j'ai compté. Le vent souffle toujours sur la Bretagne armoricaine, et j'ai rejoint ma femme, mon fils, c'est mon domaine. J'ai tout reconstruit de mes mains pour en arriver là. Je suis devenu roi de la tribu de Dana. Thank you. breton. Comme un choc électrique, je veux rien, c'est physique. Je te vois, je panique. Thank you. magnétique. Un soupir lui échappe sur un écran géant et une goutte de sang. Mano with La Tribu de Dana live with Les 500 Choristes, then Junior with Panic also live, and Superbus with Cherchez le Garçon live featuring Daniel Dark. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM in Minneapolis, Saint Paul, and streaming at KFAI.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. And now we're going to talk about the events. The first one I'm going to talk about is organized by the French Institute Alliance Française, and it's about Jean-Pierre Bacri. Jean-Pierre Bacri was an actor who played in many movies, and he died this year, and they're celebrating his career with several movies. There's one that's already passed, but I'm not sure exactly which one, but the movies are going to be the test of others right here, right now. C'est la vie, which also is Le sens de la fête, and Cuisine et Dépendance. If you want more information, I recommend that you go to afusa.org, and it's part of their events. There's a fee associated to the movies if you want to watch it. It started in March 30th, but goes up to April 26th, and each week it's a different movie. It's the same format that the Paris Festival that was occurring in March. On April 7th, it's a Wednesday at 12:30 p.m., Déjeuner en Français online, and it's organized by the Alliance Française Minneapolis-Saint-Paul. And if you want more information, you can go to afmsp.org/events. On April 7th at 4 p.m. CST, FFC Worldwide Wednesday, it's going to be a movie called Caché, and it's with Daniel Auteuil and Juliette Binoche. For more information, you can go to afusa.org. And it's a discussion about the movie with Q&A session with the director of programming and field critic Joe Mayers. On Thursday, April 8th at 10 a.m., there's an event called Les Femmes et Hommes, Politique française d'hier et d'aujourd'hui. It's organized by the Alliance Française of Los Angeles, and it seems like there is no fee. That looked pretty interesting. Discover French political players from 1945 to present day. April 8th at 11:30 Central, Le Paris Noir, the Pioneers of the Left Bank. It's going to be in English, and it's organized by the French Institute Alliance Française. And Kevin Donna of Le Paris Noir leads a tour exploring black history across two centuries within a few blocks of his influential neighborhood. There's a fee for the event and a discount for the members. You can go to afusa.org to get more information on the event. Then on Thursday at 7 p.m., there's a French trivia night at Brits, Yep, it's in person. So Brits Pub in downtown Minneapolis, 7 p.m. You can go to afmsp.org/events to get more information. And it's going to be in the clubhouse lounge, and you need to register in order to get in. And there's all the precautions that needs to be taken: mask and social distance and that sort of things. But it's one of the first event in person. On Friday, April 9th at 7 p.m., virtual conference Le Poisson d'Avril. It's organized by the Alliance Française of Saint Louis, and there's no cost. And it's talking about April Fools, or you know, Le Poisson d'Avril. And it's going to be presented in French by the president of La Société Française de Saint-Louis, Dr. Arlene Cravens. And if you're interested to attend, you can email societefrancaisedestl@gmail.com. It's a Facebook event, so you can find it on Facebook or on our Facebook page. To be continued. The weekend's not over until Monday, right? Join me, Chris, a.k.a. MRNC, from 10:30 to midnight every Sunday for Solid Foundations. Only the freshest in house music as I explore every nook and cranny of the dance floor on KFAI. From Afro House to Tech House, stomping beats and melodic waves will keep your body moving until the weekend is truly well and over. Work hard and party harder, right? Sunday evenings, 10:30 to midnight, join me for Solid Foundations. Let's dance. Now we're going to listen to another live with Daniel Higelin and Mademoiselle K. And it's a cover from Serge Gainsbourg called Bonnie and Clyde, talking about the famous gangsters. Then we're going to listen to Tagada Jones with Morocon, Everybody United Against the Jerks, pretty much. And Brigitte, which is a band of two women. And they are covering a song from Johnny Hallyday live called Allumer le Feu, Ignite the Fire. Celui qui se met à gueuler, Bonnie and Clyde. essaie de se ranger. De sa salle tranquille dans un meublé. Dans les trois jours, voilà le tac tac tac. Tac tac tac. Des mitraillettes, tac. À l'attaque. Bonne classe. C'est pour Bonnie que je tremble. Quelle importance qu'il me fasse la peau. Moi, Bonnie, je tremble au Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. De toute façon, il pouvait plus s'en sortir. La seule solution c'était mourir. Mais plus d'un les a suivis en enfer. Sûr. Quand ils sont morts, Barrow, Bonnie, Parker, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. revenir à l'état sauvage, force les portes, parage, sortir le loup de sa cage, sentir le vent qui se déchaîne, battre le sang dans nos veines, monter le son des guitares et le bruit des motos qui démarrent. Il suffira d'une étincelle, d'un rien, d'un geste. Il suffira d'une étincelle, d'un mot d'amour pour de guerre, nos problèmes, se libérer de nos chaînes, lâcher le lion dans l'arène. Je veux la foudre et l'éclair, l'odeur de la poudre, le tonnerre. Je veux la fête et les rires, je veux Jacques Higelin and Mademoiselle K with Bonnie and Clyde, then Tagada Jones with Morocco, and Brigitte with Allumer le Feu, also another live. And now more events. On Friday, April 9th, there's going to be an event called Joseph Kessel, Larger Than Life. There's a small fee, and it's at 5 p.m. Central. It's organized by the Alliance Française of Cincinnati, and of course they're going to talk about Joseph Kessel. And the event on April 9th is going to be in English, but they're going to do on Friday, April 16th, the same event in French. So you can pick which one you want to attend. For more information, you can go to afusa.org and the event section. On April 10th, it's on a Saturday at 12 p.m. Central, the Olympic Games from Antiquity to the Present. Eric Monin is the Vice President of the University of Franche-Comté and the delegate of the program Olympisme. And he's the one who's gonna present that. There is no cost that I can see. For more information, afusa.org and the event. The Alliance Française Minneapolis-Saint-Paul organise Pause Café online. It's Saturday, April 10th at 9:30 p.m. Central. And you can go to afmsp.org/event. There's a small fee. Then, also on April 10th, at 10 a.m., from podcast to page, Oliver G. and Lina Norden G. on their newest book. It's at 9 a.m. Central, and it's organized by the French Cultural Center, Alliance Française of Boston, and it's in English. There's a small fee and a discount if you're Alliance Française Boston member, and it's in English. For more information, afusa.org events. Tuesday, April 13th at 5 p.m. Central, Rendez-vous de l'Alliance, Johan Guillaume's newest album, and it's organized by the Alliance Française of New Orleans. It's a Facebook event, so we also have it on our page, but you can find it in their Facebook page. And Johan will present his musical project called Whisper of a Shadow that he recorded in New Orleans with renowned musicians from both sides of the Atlantic, with an emphasis of New Orleans-based artists. That looks like fun. There is no cost that I can tell. And then on Tuesday, April 13th, at 1 p.m. Central, and it's organized by the Alliance Française of Pasadena, in English, meet Jeanette Skiesel-Charles, author of the new bestseller, The Paris Library. There's a link to register, and there's a small fee for non-Alliance Française member, and there's none if you're a member. Also, if you're a member of the AATF. More information at afusa.org and events. Et voilà, back to the music. Now we're going to listen to SARC, which is an association, and the song is Chanson contre le racisme, Songs Against Racism. Then we're going to listen to Yannick Noah, the famous French tennis player, with his song Métis, and featuring Disease La Peste. And then we're going to listen to Alpha Blondie with Sale Raciste, Dirty Racist. Les origines de l'humanité sont basées sur l'unité, la fraternité et l'amour. Alors il faut tous vivre comme ça les sœurs. De père en fils, on est tous divisés par des colonialistes et ensuite enchaînés par des capitalistes. Oui, il existe une seule race, c'est la race humaine. De père en fils, on est tous divisés par des colonialistes et ensuite enchaînés par des capitalistes. Oui, il existe une seule race, c'est la race humaine. Noir, blanc ou métis, y'a aucune différence. Quand on saigne, on a tous le même sang. Y'a trop de gens qui vivent dans l'ignorance. Bonne personne, à toutes les ethnies on en trouve. C'est pas croire qu'aujourd'hui encore les figés vieille mentalité avec des idées préfabriquées. J'écris pour réaliser des actions quotidiennes dans le fond. Que juste une race, c'est la race humaine. Réfléchis avant de parler en travaillant chaque mot. Comme une croyance qui est basée sur la pigmentation de la peau. Chaque peuple et ses cultures, n'oublie pas tes racines. Il est temps de se mettre ensemble, peu importe nos origines. Avec la parole, j'ai le pouvoir de changer les choses. Imagine, si j'étais riche, je ferais manger les pauvres. À la fin, il y a déjà assez de problèmes dans le monde. La réalité dans laquelle je vis est plus qu'une chanson. De père en fils, on est tous divisés par des colonialistes et ensuite enchaînés par des capitalistes. Oui, il existe une seule race, c'est la race humaine. De père en fils, on est tous divisés par des colonialistes et ensuite enchaînés par des capitalistes. Oui, il existe une seule race, c'est la race humaine. On doit rejeter notre haine à tout prix, respecter l'autrui pour arrêter de faire tourner la toupie. Les enfants grandissent et voient les couleurs comme des dangers à cause que leurs parents leur ont appris à haïr les étrangers. J'enlever les frontières qui nous séparent de l'immigration. Pour ça, faut éliminer la discrimination raciale, théorie basée sur une idéologie. C'est la politique formule notre philosophie. J't'allais d'entendre dire qu'un groupe est inférieur ou supérieur. Élève ton esprit car on a chacun nos valeurs. J'apprends à connaître les autres au lieu de porter des jugements. Si tu commences ta phrase par je crois racisme, chaque tu m'as. Pour l'évolution d'espèces humaines, faut qu'on se rassemble. Parce que dans le fond c'est fou comment qu'on se ressemble. Si un jour le mot racisme n'existe plus tant mieux. Après tout il est apparu dans le dictionnaire en 1932. De père en fils, on est tous divisés par des colonialistes et ensuite enchaînés par des capitalistes. Oui, il existe une seule race, c'est la race humaine. Le père en fils, on est tous divisés par des colonialistes et ensuite enchaînés par des capitalistes. Oui, il existe une seule race, c'est la race humaine. Je suis métisse, un mélange de couleurs. Oh, oh métisse, je viens d'ici d'ailleurs. Marcher pieds nus dans la ville, en sandales dans la jungle. Tu sais, le mélange est facile, il suffit d'être simple. Je suis une église, une rencontre insolite. Je suis fier d'être métis, j'ai la chance de choisir. Je suis métis, un mélange de couleurs. Oh, oh, métis, je viens d'ici d'ailleurs. Oh, je suis métis, un mélange de couleurs. Oh, oh, métis, je viens d'ici d'ailleurs. Oh, si parfois je me perds au milieu des deux rives, si j'ai besoin de repères, mes racines me guident. Un sentiment basique, un élan, une chance, une si belle mosaïque, et dans mon cœur ça danse. Je suis la preuve vivante que tous les humains sont les mêmes. Je suis l'enfant d'Adam et Ève, je suis un rêve comme Ismaël en Israël. Renie ta haine et fais sourire les anges. Mélange le Gange et la Tamise, métisse des Indes et du Brésil. On est métis comme Sade, Bob Marley. Tu peux te marrer ou bien te barrer, on peut en parler. Multicolore, anticonard et tous mes colocataires caracole en tête pour des idées d'un monde plus métissé. Métis, un mélange de couleurs. Deux êtres différents qui se mélangent et ne font qu'un. Je suis métis. Deux cultures, deux passés qui se rassemblent et ne font qu'un. Je suis métis. Deux façons de penser qui se rassemblent pour ne faire qu'un. Je suis métis. Pas besoin de voyager pour dire que je viens de loin. Chasser ce mot du raciste hors de notre terre. de nos pères. Vous avez fait vos guerres, pillé nos matières premières. Vous êtes à l'origine de notre misère. Vous êtes l'origine de notre galère. Avec haine et mépris, vous nous avez dit merci. Avec haine et mépris, vous nous avez dit merci. Nous allons chasser, chasser ce mot qui raciste. Chasser ce sale raciste hors de nos terres. Première, vous et vos frontières, vous nous avez balkanisé, divisé, exploité, sans oublier les travaux forcés qui n'ont jamais été payés. Nous allons chasser, chasser ce maudit raciste. Chasser ces racistes hors de nos terres. So we just listened to Sark with Chanson contre le racisme, and it's an acronym. Then Yannick Noah featuring Disease La Peste with a song called Métis, and Alpha Blondie with Sale Raciste. The internet geeks at IP House are proud supporters of Fresh Air Community Radio. IP House provides internet hosting and access for your community, large or small. More information is available at iphouse.com. Now we're going to listen to a band called La Rumeur, and the name of the song is Soldat Lambda. Lambda is a term that we use for any or Joe somebody, you know. Lambda is like someone who represents kind of everybody and nobody. Then we're going to listen to Tunisiano featuring Zao with Citoyen du Monde, Citizen of the World, and Lim with El Dorado. Pareil qu'ici tout nous oppose, tout comme ces 3 cm carrés de voile plonge dans la psychose. J'ai certains ports mariés à détruits, offusqués par autant de sans-papiers, squattant l'église, pourquoi pas des mosquées. Parlons d'églises occupées, au nom desquels territoires, colonies et combien de têtes coupées. Nos terres colonisées, nos pères terrorisés, à quoi est-on autorisé, l'esprit lobotomisé. Vaincu, évangélisé, certains font semblant, chient sur leurs semblables tout en rêvant d'être blancs. Mal blanchi, tire un trait sur un passé sanglant. Ceux qui savent restent noirs et sont chauffés à blanc. Comme au solfège, une planche égale deux noirs. Du haut de leur siège, un blanc égale deux noirs. Le fond de mon âme est noir et y'a qu'un blanc. Soldat lambda qui ne tire jamais à blanc. Comme au solfège, une planche égale deux noirs. Du haut de leur siège, un plan égale deux noirs. Le fond de mon âme est noir, y'a qu'un plan. Soldat lambda qui ne tire jamais à plan. Ils aiment nous comparer aux singes, c'est ce qu'ils disaient à grand-père. Grand et fier, vêtu d'un de ses plus beaux linges. Insoumis dans les gènes, se tenant droit comme un i. Sur le sol du pays, l'œil qui désobéit. Demande à tes vieux, les sauts de Paris, fin du 19e. Ces cages où ils exposent animaux et familles africaines. Et leur gâteau s'appelle dette de nègre. Les gens dégueulent encore et gardent un putain de goût aigre. Intègre, sale nègre, rien de plus qu'ils ont pas désintégré. Des intérêts même sous zéro degré. Malgré les intempéries comme les insultes. Au casting toujours pas de négro comme dans ta série culte. Comme au solfège, une planche égale deux noirs. Du haut de leur siège, un plan égale deux noirs. Le fond de mon âme est noir et y'a qu'un plan. Soldat lambda qui ne tire jamais à plan. Comme au solfège, une planche égale deux noirs. Du haut de leur siège, un plan égale deux noirs. Le fond de mon âme est noir et y'a qu'un plan. Soldat lambda qui ne tire jamais à plan. Leurs histoires de Gaulois polluent mon enfance. J'suis comme cet éléphant que la contrebande blanche prive de ses défenses. À nous le marché noir, ils peuvent broyer du noir. J'suis ce putain de mouton noir qui franchit la ligne blanche. Blanche lumière, blanche innocence, ou comme la pureté de leur cam. Et pourtant qu'il est français à câble. Y'a le sida et les abeilles qui tuent. Pour eux noir égale crime drogue. Et femmes qui se prostituent, certains voient écrit à bon banania. Et en bon piranha, lâcheront pas le pétrole, le sucre et les minerais. Bref, ces enculés prendront tout ce qu'il y a. Est-ce que les plus grands voleurs ont connu le commissariat? Comme au solfège, une planche égale deux noirs. Du haut de leur siège, un plan égale deux noirs. Le fond de mon âme est noir et y'a qu'un plan. Soldat lambda qui ne tire jamais à plan. Comme au solfège, une planche égale deux noirs. Du haut de leur siège, un plan égale deux noirs. Le fond de mon âme est noir et y'a qu'un plan. Soldat lambda qui ne tire jamais à plan. enfant de la terre, sans passeport ni visa, au-delà des critères et de ceux qui dévisagent. Multipaysage, richesse du métissage, citoyen du monde. Juste un citoyen du monde. Voici le message. Ould bladia, notre culture raye ghalia, qimatna toujours alia. Asma, asma, kif nghania. Mes origines et couleurs, je ne les ai pas choisies. N'essayez pas de me changer, prenez-moi comme je suis. Si la souffrance de notre terre nous sépare, parvis et encaisser les coups. Eldorado, Michel sur le radeau. Sans tasse en dérado. Et la vie ne fait pas de cadeau. Je suis bratané qu'un bâtard. Un peu trop sado. It was La Rumeur with Soldat Lambda, then Tunisiano featuring Zao with Citoyen du Monde, and Lim with Eldorado. Bonjour Minnesota on KFAI Fresh Air. Music, interviews, event calendar, and announcements for the Francophone, Francophile community highlighting the diversity of French-speaking culture. Tuesday, 8 to 10 p.m. 90.3 FM. Check us out on facebook.com/bonjourminnesota. Now we're going to listen to a cover from Chrysologo, it's a remix of a song from Camilla Giordana called Doudou. Then we're going to listen to Sébastien Tellier with L'enfance d'un chien, it's an instrumental, The Childhood of a Dog, and you can hear at some point the bells and the toys and the small barking. Then we're going to finish with a cover from Indochine, J'ai demandé à la lune, which is one of the most preferred songs of French people, and it's a cover by Ghostly Kisses. They are from Canada, featuring Louis-Étienne Santé. And it's a superb cover. Je m'en fous. à la lune. Si tu voulais encore de moi, vas-y, j'ai pas l'habitude de m'occuper des cas comme ça. Et toi et moi, on était tellement sûrs. Et on se disait quelquefois que c'était juste une aventure et que ça ne durerait pas. Je n'ai pas grand chose à te dire, pas grand chose pour te faire rire, car j'imagine toujours le pire. Le meilleur me fait souffrir. J'ai demandé à la lune si tu voulais encore de moi. Vas-y, j'ai pas l'habitude de m'occuper des cas comme ça. Et toi et moi, on était tellement sûrs. Et on s'est dit, c'est quelquefois, que c'était juste une aventure et que ça ne durerait pas. We just listened to Chris Ologo remix of Doudou from Camélia Jordana, then Sébastien Tellier with L'enfance d'un chien, and Ghostly Kisses featuring Louis-Étienne Santé with J'ai demandé à la lune. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Thank you for listening. Yes, we'll be with you next week. Yeah, and stay tuned for Balkan Jamboree with Nikolai. Yes, and maybe next week we'll be in the studio. Who knows? Who knows? We'll let you know in advance. Of course. Yeah, we usually do our announcements on Facebook, Instagram, or Twitter. And these days for me, it's more like Instagram and Twitter because Facebook doesn't really like me. But we'll announce it for sure. All right. All right. Take care, everyone. Okay, bye. Bye. Bye.